France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Chesterton. Et disons-le tout de suite, de nuit spéciale Chesterton, il y en aura deux. Cette nuit et la nuit de samedi prochain. Deux nuits ne suffiront pas à épuiser l'œuvre de Gilbert Keith Chesterton. Quelle idée du reste de vouloir épuiser une œuvre. Mais a priori, les auditrices et les auditeurs qui feront sa découverte cette nuit et puis donc la semaine prochaine, grâce à la diffusion des 10 épisodes du Nommé Jeudi, l'adaptation de son roman, grâce aussi à l'écoute d'une enquête du père Brown, les trois instruments de la mort, mais aussi d'une vie, une œuvre consacrée à Chesterton, proposée en 2003 par Francesca Isidori et Jean-Claude Loiseau, et encore d'une analyse de son Saint-François d'Assise, mais aussi d'une analyse d'une pièce signée Chesterton, Magie, présentée par son traducteur Thierry Beauchamp, et encore toute une émission, elle date de 1969, consacrée à l'humour de Chesterton, et puis une analyse par Stanislas Fumet de La Sphère et la Croix, et encore la rediffusion d'un réplique d'Alain Finkielkraut sur l'éblouissant Chesterton, ça c'était en 2010, et encore une rencontre avec Jean-François Merle, éditeur de la collection Omnibus, qui donc regroupe l'intégrale des enquêtes du père Brown, plus de 50 nouvelles. Une autre rencontre avec Wojciech Golonka, dont un portrait philosophique de l'écrivain vient de paraître aux éditions du Cerf. Et puis aussi une rencontre avec Louis Sebra, auteur d'un roman S, qui dit quelque chose et qui doit quelque chose à Chesterton. Eh bien, donc tout ça, les auditrices et les auditeurs feront donc connaissance de ce Chesterton qui va nous occuper toute cette nuit et la nuit de samedi à dimanche prochain. Il devrait apprécier la richesse intellectuelle de l'écrivain, sa variété, la variété des sujets qu'il aimait, qu'il traitait, et puis aussi, sans pour autant adhérer à sa philosophie, peut-être, on verra. Bonsoir François Rivière. Bonsoir Philippe Garbitch. Alors, lorsque j'ai appris l'an dernier que vous alliez publier une biographie de l'auteur donc du Nommé Jeudi et des enquêtes du père Brown, pour ne citer que ces deux œuvres-là, biographie intitulée Le Divin Chesterton, publiée chez Rivage, je n'ai pas été surpris du tout. La lecture du prologue qui raconte votre entrée dans l'œuvre chestertonienne m'a éclairé aussi. Vous allez nous la raconter. Mais je pense, François Rivière, que vous êtes de ces écrivains, de ces amateurs de littérature, pour qui finalement la rencontre avec l'œuvre, le lieu où ça s'est passé, la personne qui a été l'entremetteur finalement, l'âge, peut-être la météo qui faisait ce jour-là, eh bien tout ça, ça compte énormément. Pas plus que l'œuvre, mais en tout cas, ça doit être essentiel. Ben oui, c'est une rencontre, en l'occurrence, Chesterton, qui s'est fait sous les auspices de la religion catholique romaine que lui-même avait embrassé dans les années 20, donc c'était pas surprenant d'une certaine manière, enfin peut-être que c'est lui qui m'a guidé justement, moi qui m'ennuyais terriblement dans un pensionnat religieux, mais qui avait un prof d'anglais, un prêtre qui était un personnage étonnant, qui d'ailleurs était aumônier pendant l'été d'un cours de vacances, et dont les élèves, pendant ces fameux cours du mois d'août, le surnommaient Father Brown. Donc effectivement, il était lui-même prédestiné, si je puis dire, à devenir mon mentor dans ce domaine. L'abbé Eugène, enfin j'ai donné juste son prénom, même si le pauvre est depuis longtemps auprès de son créateur. Oui, ça a été une rencontre, mais je dirais que ça s'est fait de manière très banale, au fond. Un jour où, justement, je m'ennuyais, où j'étais parti chercher un peu de lecture chez cet abbé Eugène qui m'avait déjà fait lire un peu, parce que j'avais pas été très loin, Le Moulin sur la Flosse de George Eliot, etc., et qui m'a dit, mais il faut absolument que tu lises ces contes policiers, c'est très drôle, c'est un détective qui est un prêtre, enfin bref, moi qui avais aussi lu Sherlock Holmes, qui avait avant ça lu Le Club des Cinq et Agatha Christie, enfin pas tout, mais qui m'était déjà un petit peu baigné dans les eaux mystérieuses de l'Angleterre littéraire, même si c'était pas toujours la grande littérature, j'ai essayé de lire tout de suite le premier conte, le premier des récits contenus dans le premier recueil, L'innocence du père Brown, qui est qui est une pure merveille. En anglais? Je l'ai lu, oui, j'ai commencé à lire en anglais, j'ai mis du temps. Persuadé que ça avait jamais été traduit, puisque je connaissais que cette petite édition Penguin, un peu marron comme ça, et qui était usée, parce que l'abbé Eugène l'avait lu, sûrement, et relu. Donc je suis entré dans le monde de Chesterton, mais un peu comme, oui, comme ça, un peu par, sans savoir trop qui était, sans savoir du tout même qui était ce Chesterton, parce que l'abbé Eugène, contrairement à ce que je suis devenu, n'était pas un espèce de maniaque de la biographie. Donc je savais que les 10 lignes que Penguin faisait imprimer en première page pour expliquer que l'auteur était né en 1874, etc. Et avec une photo quand même de Chesterton avec son Stetson sur la tête, qui était quand même impressionnante. Quoi. Mmh. Effectivement, c'est autre chose que la tête de vieux morse de Conan Doyle ou la tête de grand-mère d'Agatha Christie. Oui. Alors, justement, Agatha Christie, parce que François Rivière, ce n'est pas votre première déclaration d'amour à la littérature anglo-saxonne. Vous avez signé, on s'en souvient, une Agatha Christie, Duchesse de la Mort. Un livre sur Enid Blyton, donc vous citiez le Club des Cinq, ça c'était chez Ramsay. Et j'attends avec impatience une réédition, elle me manque, cette réédition. Parce que le Club des Cinq, Enid Blyton, c'est un nom qui parle absolument à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous aviez écrit aussi sur James Matthew Barry, donc le garçon qui ne voulait pas grandir. Ça, c'était chez Kalman Levy. Alors, Agatha Christie, Peter Pan, le Club des Cinq. Et aussi, pour élargir un petit peu la littérature anglaise, enfin américaine en tout cas, en l'occurrence, Patricia Highsmith, vous avez publié aussi une biographie de Patricia Highsmith. C'est des espèces de biographies de... Oui, je disais déclaration d'amour, c'est quand même plus ça, finalement, non? Oui, ce ne sont jamais vraiment des biographies à l'américaine, comme on dit ici. Où on ne nous fait grâce d'aucun détail. Oui, enfin, je ne sais pas, Patricia Highsmith, par exemple, c'est parce que j'avais eu accès à toute la correspondance de Highsmith avec ses éditeurs français, qui comptaient beaucoup pour elle. D'ailleurs, elle a été beaucoup plus reconnue littérairement en France, et, enfin, en Europe, de manière générale, qu'aux États-Unis, où on a attendu qu'elle soit enterrée pour commencer à déterrer ses livres. Et je ne sais pas, oui, j'ai aussi écrit sur Frédéric Darc, j'ai eu la chance de connaître. Bon, effectivement, je me suis intéressé beaucoup à ce que autrefois, enfin, à une époque, on appelait la paralittérature, ce qui m'amuse beaucoup. Enfin, moi, je pensais que c'était la paralittérature, c'était la littérature de Monsieur Bijard, donc pour les paras. Finalement, ce sont des gens qui m'ont passionné. Enfin, ce sont des œuvres qui m'ont passionné. Et puis après, des personnages qui me plaisent énormément. Enfin, je crois ne pas avoir encore vraiment commencé à écrire sur des gens qui me seraient complètement antipathiques. Enfin, il y a des degrés, effectivement. Il y a ceux que je regrette, enfin, la plupart que je regrette de ne pas avoir connus. C'est sûr que j'ai pas connu Chesterton, ça aurait été peut-être une rencontre extraordinaire. J'ai connu sa secrétaire, en revanche, Dorothy Collins, qui était une excentrique totale, qui était vers la fin de la vie de Chesterton, qui était son chauffeur et sa secrétaire. Mais voilà, c'est plutôt, oui, c'est pas enfin, Agatha Christie, je l'ai pas connue, mais j'ai hanté les lieux où elle a vécu. Enid Blyton, bon, c'est un personnage, là pour le coup, peut-être pas extrêmement sympathique, d'après certains témoignages. Femme assez curieuse, petite bourgeoise anglaise, mais qui avait un don, quoi, qui avait un don, je sais pas, comme un sourcier qui trouve de l'eau. Elle avait ouvert en elle un robinet et s'était mise à écrire des livres. Elle en a écrit 700. En fait, j'aime bien les phénomènes aussi, enfin, les personnages. C'est vrai que Frédéric Darc, c'est un phénomène. Enfin, et Chesterton, donc, quel phénomène. Donc, vous êtes sûr, François Rivière, parce que vous avez rencontré la secrétaire de Chesterton, vous êtes sûr vraiment qu'il a existé? Moi, j'ai l'impression que c'est la création d'un enfant quand on imagine cet homme avec sa cape, sa canne épée. Voilà, son arc et ses flèches. Voilà, ouais. Et sa force, comme ça, sa taille imposante. Sans doute le côté totalement excentrique du personnage, se promenant dans Londres, évidemment couvert de brouillard et avec des livres dans plein ses poches, des livres, comment on appelle ça, des dreadful pennies. Oui, les penny dreadful, les dime novels, oui, la mauvaise littérature. Donc il a existé, les romans de gare. Bon, il a existé. Pour moi, il n'a pas plus existé que certains personnages de bande dessinée que j'aimais aussi quand j'étais gamin, hein, que Blake et Mortimer. Pour moi, c'est un personnage. Graham Greene s'en amusait beaucoup, qui était un de ses fans. Quand il était adolescent, Greene avait la chance de le croiser dans les rues de Londres, et un jour il lui a demandé un autographe. C'est un personnage, oui, que Woodhouse aurait pu imaginer, enfin, sauf qu'il a écrit et publié une centaine de livres, et qui n'a pas arrêté d'écrire de... Il s'est jamais indigné, contrairement à d'autres. Il le disait lui-même. Il faut trouver que l'indignation était absurde. Mais il a parlé de tout pendant des années, enfin jusqu'à épuisement. Enfin, mais c'est un vrai personnage de fiction finalement. D'ailleurs, il a été un peu repris par John Dixon Carr comme personnage. Enfin, en tout cas, la silhouette. Oui, alors du coup, il a marqué les esprits. Et il a notamment, oui, dans les années 30, enfin au tout début des années 30, vers la fin de sa vie, il a eu un lecteur qui était un jeune étudiant américain, John Dixon Carr, qui est devenu après un grand auteur de romans policiers, d'énigmes, qui le vénérait littéralement et qui s'est servi, oui, du personnage, enfin de la silhouette, de la corpulence de Chesterton pour créer un personnage de détective, Gideon Fell. Et ce qui fait que sur les couvertures des romans de Dixon Carr, on voit Gideon Fell, on voit surtout Chesterton, en fait. Donc, alors, François Rivière, vous me confirmez, et votre biographie, Le Divin Chesterton, publiée chez Rivage, nous le confirme, que Gilbert Kate Chesterton a existé. Alors, vous l'avez dit, il est devenu catholique, tardivement, dans un pays anglican qu'il était de naissance. Mais c'est la littérature qui nous intéresse. Alors, on va pas parler, je ne vais pas vous demander de nous parler du Nommé Jeudi, puisqu'on ça va occuper ces deux nuits spéciales Chesterton, et qu'il faut garder, évidemment, tout ce qui est le suspense de ce roman, alors policier, métaphysique. Bon, n'en parlons pas trop. On va peut-être même pas parler du père Brown, parce que la semaine prochaine, Jean-François Maire viendra nous parler spécifiquement de cet enquêteur, de cet abbé avec son petit parapluie, son petit imperméable, son petit air pas très futé, peut-être comme ça, mais qui est quand même un personnage génial. Alors, si on. Finalement, de quel Chesterton va-t-on parler cette nuit, François Rivière ? Est-ce que cet homme du paradoxe, quand même, qui dit, par exemple, si la littérature est un luxe, la fiction est une nécessité. Alors ça, c'est les phrases citées, je sais plus, c'est Borges qui cite régulièrement. Est-ce que tout le monde cite du Chesterton ? Oui, tout le monde cite du Chesterton. On a l'impression par moment, enfin, que c'est certains de ses livres, notamment Orthodoxie ou Hérétique, sont des catalogues de petites phrases. Ils sont publiés chez Climat, Flammarion. Oui, ça fait partie de ce qu'il a fait de mieux, ouais. Hein, justement. Ces deux livres, notamment Orthodoxie, qui est un peu son programme, quoi. Si on peut dire, avec des petites phrases, oui, le fou, celui qui a tout perdu, sauf la raison, etc. Enfin, il a pas cessé de, ce qui est merveilleux avec les miracles, c'est qu'ils arrivent, enfin bon. Mais il s'amusait aussi, peut-être, je pense qu'il avait un certain don pour écrire faire du paradoxe, enfin, pour balancer les petites phrases comme ça. Je crois qu'il faut bien se dire que ça a d'abord été un journaliste. Il s'est jamais pris pour un grand écrivain. Bon, il savait qu'il était écrivain, et puis il écrivait des romans. Bon, il savait qu'il était poète. Il a écrit des poésies absolument magnifiques. D'ailleurs, j'en voudrais jusqu'à ma mort à l'éditeur du Nommé Jeudi, enfin l'éditeur français du Nommé Jeudi, qui a enlevé la dédicace, qui est un poème de 40 vers, dédicace à Edmond Clériou Bentley, créateur de la forme de versification Clériou, qui est un ami de jeunesse de Chesterton et lui-même auteur d'un chef-d'œuvre de littérature policière. Qui s'appelle L'affaire Manderson. L'affaire Manderson. C'était vraiment un excellent poète. Il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit de la fiction, bien sûr. Il y a les contes fiction que Borges adorait. D'ailleurs, Borges a été sûrement au XXe siècle, enfin après la mort de Chesterton, celui qui a le mieux fait pour le faire connaître, pour faire reconnaître le talent d'écrivain, enfin de grand auteur de fiction de Chesterton. Parce que finalement, le journaliste, le polémiste, ce type qui sans jamais s'indigner s'en prenait à plein de gens et à plein de choses. Et rectifier, enfin remonter les bretelles de pas mal de gens, on finit par oublier. Donc ce qui est peut-être le plus important, enfin, en tout cas pour moi, c'est justement l'auteur de fiction qui demeure, enfin qui indémodable, qui est un écrivain, enfin hors pair, enfin à la fois un peu dans la tradition anglaise qui commence avec Swift, ou qui peut même commencer avant avec les Contes de Canterbury, et qui se poursuit plus difficilement maintenant en Angleterre, mais qui, en revanche, en Amérique latine, a eu pas mal de... Notamment Borges, bien sûr, Cazares et d'autres, et même certains jeunes écrivains aujourd'hui de langue espagnole, qui sont des fervents turiféraire de Chesterton. Donc voilà, c'est, pour moi, c'est surtout un auteur de fiction, même si le personnage est enfin encore plus loin. Enfin, puisque lui-même est une créature de sa fiction. Quoi. Mmh. Il a publié ses mémoires, d'ailleurs, qui ont été republiées récemment aux Belles Lettres, l'année dernière, L'homme à la clé d'or. Alors, toutes ces œuvres de Chesterton, François Rivière, vous les avez lues en anglais. Est-ce que nous, par chance, on a des traductions en français? C'est un peu dans toutes les directions. Hein. C'est-à-dire que parfois, je dis orthodoxie et hérétique, c'est chez Climat, Flammarion. L'homme à la clé d'or, c'est Les Belles Lettres. Le paradoxe ambulant, c'est chez Actes Sud. Les enquêtes donc du Père Brown, c'est Omnibus. Le nommé jeudi, c'est chez Gallimard. Enfin bref, il y a c'est très dispersé. C'est un peu dommage pour les lecteurs français. C'est dommage, d'autant plus qu'il a eu comme premier éditeur pratiquement Gallimard, la NRF, qui a publié le Napoléon de Notting Hill, qui est son premier roman, et puis qui après a publié dans une excellente traduction, je le dis parce que toutes les traductions de Chesterton ne sont pas géniales, mais même si malheureusement moi j'ai lu quand même d'abord en français, hein, j'ai pas lu à part le premier recueil du Père Brown que j'ai lu en grande partie en anglais. Dans votre pensionnat. J'en ai lu pas mal en français au fur et à mesure que j'arrivais à trouver ici et là des. Oui, quand je dis que c'est dommage, c'est pas, peu importe que le nombre d'éditeurs, simplement on n'a pas tout. Est-ce qu'on pourrait lire tout? Est-ce que tout se vaut? Je pense qu'il y a de tout. Vous avez tout lu, vous, François Rivière, de Chesterton? Non, j'ai pas tout lu. De toute façon, il a publié de son vivant 100 volumes. Sa chère secrétaire, Miss Collins, après sa mort, s'est ingéniée à publier des recueils d'articles qui n'avaient pas été repris en volume. Il en reste encore, il reste plein de choses. Il a collaboré jusqu'à la fin de sa vie à un hebdomadaire... le Illustrated London News, où il écrivait un peu sur tout et gérait presque n'importe quoi, mais même si quand il écrivait sur n'importe quoi, c'était souvent très très drôle, parce que ça mettait en relief justement la bêtise de pas mal d'autres polygraphes qui se prenaient au sérieux en écrivant sur n'importe quoi. Qu'est-ce qui changeait de journal? Il se disputait avec le rédacteur en chef, il y avait des problèmes politiques, il était soudain mal vu, ou il y avait des histoires de famille aussi, il y avait son frère. Il a été assez mal entouré, si je puis dire, par son pauvre jeune frère qui est mort à la fin de la guerre de 14, qui lui était uniquement journaliste, et puis par un migrant français qui s'appelait Hilaire Belloc, qui est le frère de Mrs. Belloc Lowndes, la romancière de The Lodger, film d'Hitchcock. Période anglaise. Ouais. Et qui était très porté sur les grands lecteurs de Maurras, et qui était assez, même beaucoup trop antisémite, lui-même se privant pas de quelques blagues. Pas très... Lui-même, Chesterton, qui nous intéresse. Chesterton, adolescent, après un petit peu moins, beaucoup moins même, mais adolescent dans un club de son école, la St. Paul's School, il se permettait de se moquer de ses condisciples d'origine juive, qui étaient des amis et qui sont restés, même au-delà de sa mort, des amis, ce qui prouve que son antisémitisme n'était quand même pas trop virulent, mais il était jamais... Il aimait faire des bonnes blagues, quoi. Il se retenait pas. Et puis à l'époque, c'est vrai que le politiquement correct n'existait pas vraiment. Enfin, je sais pas. Mais c'était comment le qualifier alors? Parce que bon, il y a eu plusieurs Chesterton. Il y a eu des vagues chestertoniennes, en tout cas dans ses écrits journalistiques. Et puis donc, il y a eu cette conversion au catholicisme. Vous diriez quoi? Parce que parfois, enfin, on se dit il est violemment anticapitaliste. Parfois, il flirte avec ce qu'on appellerait la gauche ou ce qu'était la gauche à l'époque. Et puis, il est très très réactionnaire. C'est le goût, quoi. Alors, parce que le goût du paradoxe ne suffit pas à expliquer, à tout expliquer. Et puis, il est aussi il peut être très violent, en tout cas très cassant, par exemple, sur les non-croyants. Oui, alors je crois qu'il faut remonter à l'enfance. Il faut remonter au moment où, grâce à notamment son papa, qui était une sorte de bourgeois bohème meilleur sens du terme, qui avait une bibliothèque fabuleuse et qui était fasciné de voir ce petit garçon déjà à 3 ans qui commençait à écrire des choses, qui dessinait, qui avait la permission de décorer les murs de la bibliothèque paternelle, faisant montre déjà d'un talent qui s'est avéré après, puisque il faut aussi parler de l'illustrateur. Il faut savoir que un auteur complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelait George MacDonald, auteur de romans fantastiques pour enfants, de contes, qui est un ami de Lewis Carroll, l'a marqué profondément. Mais il faut aussi savoir que George MacDonald a marqué Chesterton, mais aussi des gens comme Tolkien, comme C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Et tout de suite, sa vie, la vie du petit Gilbert, a été marquée par la fantaisie, enfin au sens anglais, quoi, la fantaisie, le fantastique, et la religion, sa religion, enfin la religion au départ, c'était... la religion anglicane, pour lui, c'était quelque chose, c'était le royaume du fantastique, enfin, et du coup, et tout ça, et toute son œuvre, en fait, est marquée par ça. Quand on lit, notamment Orthodoxie, on comprend ça. Et d'ailleurs, le premier analyste, vraiment, je dirais, très intelligent, très malin, de l'œuvre chestertonienne, et ce n'était que au début des années 20, c'est un jésuite français, le père de Tonquédec, qui a écrit un essai extrêmement brillant, où il c'est très bien dessiné, derrière l'humour, la métaphysique de cet étrange animal littéraire qui était Chesterton, et au fond, oui, on comprend mieux si on sait d'où il vient sur le plan littéraire. Bon, il y a Dickens aussi. Il a écrit une biographie de Dickens qui est tellement belle que personne ne la réédite en France, qui est un chef-d'œuvre absolu. C'est de cette biographie qui dit les dates sont fausses, sans doute. J'ai écrit un peu, mais peu importe. Non, je crois que c'est celle de Robert Browning où il disait il n'y a que deux dates dans ma bio de Browning, mais les deux sont fausses. Finalement, c'était pas le problème, quoi. Ouais. A contrario, ma biographie est peut-être totalement nulle dans la mesure où il y a beaucoup de dates. C'est vrai que bon, il s'embarrassait pas de ça. Mais sa biographie de Dickens, c'est un chef-d'œuvre. André Monroy, que je vénère personnellement, disait que c'était la plus belle biographie littéraire qu'on ait jamais écrite. Enfin, c'est vraiment, ouais. Alors, François Rivière, alors justement, pour revenir au divin Chesterton, qui est donc le titre de la biographie que vous avez publiée chez Rivage à propos de notre héros de la nuit, Gilbert K. Chesterton, dont encore, on peut ne pas partager toutes les idées, toutes les opinions religieuses, enfin voilà, et apprécier l'œuvre et le mauvais jeudi et les nouvelles du père Brown, etc. Il y a quelque chose que j'ai appris, enfin j'ai appris énormément de choses dans cette biographie, bien entendu, mais quelque chose qui m'a amusé, qui m'a fait penser que vous rêviez de voir un certain film, François Rivière. Vous m'avez appris l'existence de ce film, et je suis sûr que vous donneriez absolument tout ce que vous possédez, et tout ce que possède tout le monde autour de vous dans un rayon de 300 mètres, pour avoir le film qui a été tourné le 2 juillet 1914. Oui, c'est ce western, si j'ai bien compris, ce western tourné dans la campagne, dans le Northumberland, avec comme acteur, enfin comme metteur en scène déjà un certain James Matthew Barry. Voilà, le père de Peter Pan. Le père de Peter Pan, qui était un fan de cinéma, avant l'être, qui avait même écrit un scénario, un développement, comme on dit, complet de Peter Pan, que les producteurs américains ont refusé avec élégance. Il avait donc réuni quelques amis écrivains pour tourner une sorte de western, bon, qui devait durer 10 minutes, mais qui restait dans les mémoires, enfin déjà des protagonistes, et puis après pour ceux, et que Chesterton raconte dans ses mémoires justement. Il y avait Yeats, ouais. Edward Elgar, George Bernard Shaw, enfin il y avait Shaw qui était l'ennemi. Dans les débats, le grand ennemi de, oui. Alors qu'en fait il s'adorait de Chesterton, enfin qui veillait Bernard Shaw, qui veillait sur les revenus, je sais pas comment dire ça, enfin qui faisait en sorte que Chesterton se soit pas trop spolié par ses éditeurs. Non mais quand même ce film François Rivière, vous ne l'avez jamais vu, bien entendu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, oui, c'est ça le problème. Oui. Quelques grands écrivains du moment, on est le 2 juillet 1914, c'est-à-dire que c'est juste avant la guerre, c'est incroyable. Et le film a disparu. le film a disparu. On finit par se demander s'il a existé, mais moi j'ai lu plein de biographies de Barry aussi pour en écrire une, et qui oui je peux, enfin je suis persuadé que ce film a existé effectivement. Mais c'est quoi, c'est des espèces de d'adultes qui sont de grands gamins qui s'amusent à jouer. C'est un jeu que proposait Barry à ses copains écrivains. On a du mal à imaginer aujourd'hui une chose pareille. Enfin. Il y a un côté ludique, enfin, et à l'époque en littérature, il y a un côté enfantin, pas puéril forcément, mais enfantin chez tous ces gens. Kipling aurait pu faire partie de la bande des écrivains qui quand même tous parlent beaucoup de l'enfance, hein, justement Kipling, Barry et puis d'autres. Wells qui était un ennemi idéologique, même si par ailleurs ils étaient copains, bien entendu, de Chesterton, incarnait une modernité que Chesterton refusait absolument, préférant les petits villages moyenâgeux. En fait, il y avait un côté absurde justement dans cette espèce de conservatisme, ce réactionnariat de Chesterton, et qui est d'une modernité totale sur le plan de la fiction, mais qui par ailleurs dans ses idées, dans sa manière d'être, était complètement tourné vers le passé, parce qu'il avait peur en fait du présent et du futur, donc les contradictions abondent. Alors c'est on dit misonéiste, je crois, la détestation de ce qui est nouveau. C'était absolument la définition de Chesterton. Mais en même temps, il se sert de ce qui est nouveau. Il vit tout à fait dans son époque. Il parlait à la radio à la fin de sa vie. Il tourne dans un film donc. Et lui, alors qui fréquente des écrivains anglais comme ça qui parlent beaucoup de l'enfance, lui finalement n'en parle pas, enfin en tout cas dans l'œuvre que je peux connaître de Chesterton, sauf que tous ces personnages adultes sont des espèces d'enfants prolongés. Ce sont tous des enfants attardés, et lui c'est un enfant, enfin jusqu'au bout, enfin il avait effectivement un arc et des flèches, et quand il écrivait dans son bureau qui était au premier étage de sa maison, il s'amusait à... je sais pas s'il a jamais visé sa femme avec ses flèches, mais enfin, il l'a raté de peu un jour. Il se défoulait, justement, en tirant des flèches, et il amusait tous les gamins du quartier qui l'adoraient, en fait. Il avait un côté un peu clown du personnage, enfin, auquel il était enfin très attaché, enfin, lui-même. Il n'a pas écrit sur l'enfance, effectivement. Kipling, qui était quand même un va-t-en-guerre, qui aimait quand même les choses viriles. L'Empire. Mais a écrit sur les enfants. Enfin, a écrit justement, a mis en scène des enfants, enfin, notamment Mowgli et Kim. Mais Chesterton, non, il parlait... Il n'a jamais écrit pour les enfants, effectivement. Il n'y a pas un livre pour enfants, alors qu'au fond, moi, je pense que les enquêtes du Père Brun, je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais... fait d'édition pour jeunes lecteurs des enquêtes du Père Brun, parce que c'est de la lecture pour enfants, finalement. C'est beaucoup moins sérieux que le Club des Cinq. On demandera à Jean-François Merle la semaine prochaine, quand il viendra nous parler en début de nuit des enquêtes du Père Brun. Alors, pas d'enfants dans l'œuvre. Pas mal d'alcool, hein, quand même, parce que le Chesterton, vous dites, il tire avec les flèches, etc., et puis il ne met pas sur son épouse. Son épouse, de temps en temps, va le récupérer dans une taverne. C'est un catholique bon vivant qui pourrait très bien se moquer des prêtres, et non ? Moi, j'ai connu dans ma adolescence des prêtres qui buvaient bien, qui étaient des bons vivants. Et finalement, effectivement, Père Brown, je sais pas, il a un côté ascétique quand même. Hein, oui, non, lui ne boit pas. Comme son modèle, justement. Mais alors que le Chesterton, lui, oui, buvait beaucoup. Sa grande rencontre avec son ami, malheureusement, je dirais, Hilaire Belloc, s'est fait autour d'une bouteille de Bourgogne. Il avait une grande... passion pour le Bourgogne, il buvait de la bière aussi. Non, il avait tous les défauts, il fumait énormément, il a fait un premier coma à la veille de la guerre de 14, rien à voir avec la guerre, mais dont il est sorti, on se demande un peu comment, il est vraiment resté plusieurs mois, plusieurs semaines en tout cas, dans un coma profond. Vers la fin, sa femme, voyant qu'il revenait lentement à lui, s'est penché et lui a dit « Est-ce que tu sais qui veille sur toi ?» Et au grand dame de son épouse, il a répondu « Dieu ». Et le deuxième coma lui a été fatal en 1936. Il est mort quand même assez jeune, hein, à 62 ans. Bon, il était énorme, il avait aucune hygiène. Enfin, c'est le côté enfantin, justement. Il veut pas se soigner. Il avait une peur, maladive, si on peut dire, des médecins et de la science médicale chez les Chesterton depuis la mort de sa sœur aînée, qui était morte à l'âge de 5 ans. Et après, on voulait plus parler, entendre parler de choses comme ça dans la famille. Effectivement, ça n'aidait pas vraiment, quoi. Je disais, François Rivière, que Chesterton pouvait être cassant par rapport à sa croyance. J'ai retrouvé une phrase qui est dans votre biographie. « Ce que nous redoutons le plus, c'est un labyrinthe qui n'aurait pas de sens. C'est la raison pour laquelle l'athéisme n'est rien d'autre qu'un cauchemar. » Alors en fait, c'est plutôt c'est le père Brown qui parle là, mais il parle au nom de Chesterton. Et alors on peut être tout à fait athée, lire les enquêtes du père Brown, lire Chesterton et l'apprécier, tomber sur des phrases comme ça qui on se demande finalement pourquoi on continue à apprécier Chesterton. Parce que peut-être que en face à face comme ça, on l'aurait trouvé, mais alors réactionnaire n'est même plus le mot, mais enfin en tout cas vraiment tyrannique. Oui, effectivement, au centre du labyrinthe, est-ce que c'est Dieu? Je sais pas. Je trouve que l'image est belle, quoi. Enfin, c'est l'image du vertige. En fait, il était saisi en permanence d'un espèce de vertige, Chesterton. Un vertige qui était peut-être dû aussi quelquefois à ses libations exagérées. Oui. Hitchcock était un peu comme ça. Enfin, Hitchcock était un grand fan de Chesterton. Ce vertige devant, la question à laquelle on n'a pas de réponse vraiment, quoi. Y a-t-il quelque chose après la mort? Enfin bref. Et mais lui, il les donne, hein, les réponses. Oui. Enfin, oui, mais je sais pas s'il croyait vraiment lui-même à tout ça, en fait. Oui, mais c'est un ça peu... qui est, justement, ce qui fait qu'on peut être complètement athée, effectivement, et le lire. Et apprécier, je sais pas. Oui, l'apprécier, finalement. Je sais pas, Borges, je sais pas si Borges croyait en Dieu, j'en sais rien. Il croyait en la poésie, il croyait en lui, surtout. Mais il adorait Chesterton justement comme grand patron de la fiction. Donc c'est ça aussi. Il y a un paradoxe. Enfin, il y a un paradoxe permanent, quoi. Paradoxe ambulant, comme dit Alberto Manguel. Et à propos de paradoxe, je crois que c'est dans votre livre, François Rivière, il est question du paradoxe qui trop de paradoxes, finalement, c'est un peu comme une salade où il y a trop d'oignons. Enfin, je sais plus. Il y a un critique qui le reprenait dans ce sens. Oui, dès ses débuts, journaliste, enfin, polémiste, effectivement, il s'est un peu remonté les bretelles par la critique anglaise, parce qu'il n'avait pas que des amis. Hein, beaucoup de gens considéraient que ce qu'il écrivait était totalement inepte. Effectivement, il en mettait tellement de paradoxes que ça finissait par tuer son travail. Enfin, je pense qu'il faut à la fois pas prendre au sérieux tout ce qu'il raconte. Mais on peut quand même prendre au sérieux le fait qu'il a fait une œuvre, enfin, qui compte, et quand même, il y a énormément de bon sens. Il y a beaucoup de bon sens chez lui, derrière les vannes, enfin, dont il pouvait pas s'empêcher de produire. Ces fictions, certaines sont magnifiques, elles ont d'ailleurs imprégné l'imaginaire de beaucoup d'auteurs de romans policiers, de romans d'énigmes. Hein. Agatha Christie était une fan, hein, elle aussi. Alors bien sûr, ça part vers la littérature de divertissement, quelquefois. Et je crois qu'au fond, enfin, j'en reviens à l'idée que... On l'a longtemps pris pour un journaliste, un polémiste, vers la fin de sa vie, oui, commençait à faire des causeries à la radio, etc. Mais on n'a pas pris tellement la mesure de son talent d'écrivain, enfin, d'auteur de fiction, ce qui est un peu dommage. Et en même temps, il a fait avec ce personnage du père Brown, il s'est inscrit lui-même dans l'histoire de la littérature, la plupart du temps, dans les histoires de la littérature anglaise où figure assez peu, hein. On mentionne quand même « Soit le nommé jeudi », qui est une œuvre étonnante, inclassable, qu'on ne peut pas vraiment résumer, et le père Brown. Eh bien, les auditeurs de cette première nuit et de la deuxième nuit se font se rendre compte de l'inclassabilité, on dit ça, du nommé jeudi, puisqu'on va pouvoir écouter ce feuilleton, cette nuit, les 5 premiers épisodes, mais pas seulement le nommé jeudi, donc dans un instant, le livre de chevet, François Billedou lit ce qui cloche dans le monde, puis le nommé jeudi, les épisodes 3 et 4, puis un entretien avec Louis Seabra à propos de son roman S, des nouvelles policières, une nouvelle policière. judiciaire avec le père Brown, les trois instruments de la mort, puis Une vie, une œuvre, Gilbert K. Chesterton par Francesca Isidori et Jean-Claude Loiseau, une émission ensuite sur Saint-François d'Assise, le jongleur de Dieu par Stanislas Fumet. On aura rendez-vous avec Thierry Beauchamp pour la pièce Magie, c'est Thierry Beauchamp qui a traduit cette pièce. On retrouvera le nommé jeudi, et puis on vous retrouvera en fin de nuit, François Rivière, pour reparler brièvement de votre biographie, Le Divin Chesterton, publié chez Rivage.